Salam, salam à tous. L'audio va s'intituler L'Islam Bling Bling, l'Islam Mary Poppins. Ah, donc le titre, il a l'air un peu bizarre, première vue. Quand je parle d'Islam, bien sûr, je ne parle pas de l'Islam dans son essence qui est pure, qui est parfaite, l'authentique, mais de ce que certaines personnes font au nom de l'Islam, l'instrumentalisation qu'il y a derrière. Pourquoi Bling Bling? Pourquoi Mary Poppins? Bling Bling, bon, dans notre quotidien, etc., c'est une connotation un peu. C'est un mot qui a une connotation un peu à tout ce qui touche l'univers du business, du marketing, de l'ostentation. Et Mary Poppins, c'est un peu pour le côté un peu. Voilà quoi, hein? Du côté fleur bleue, on va dire. Pourquoi? Ben déjà, j'avais déjà fait un audio sur ça il y a quelques temps. Il y a 2-3 ans. Ah oui, en préambule, j'explique. Le premier audio que j'avais fait, enfin, c'est un peu normal, hein, que c'est pas vraiment une présentation, parce que qui je suis vraiment pour me présenter, mais bon, pour que les gens sachent un peu. Le premier audio que j'avais fait, je pense que c'était en 2004, en 2003, en 2004, c'était l'orchestration médiatique qu'il y avait autour des talibans. Donc, en fait, moi, en gros, je suis pas le genre de mec, je suis pas le genre de personne qui passe son temps à faire des audios ou bien qui suit un peu cette mode. Non. Je venais de découvrir c'était quoi réellement le monde du net en 2003-2004. À cette époque-là, il y avait un côté, il y avait un matraquage, hein, contre les talibans, une propagande des médias entre guillemets officiels contre les frères talibans. Et dans le paysage francophone islamique, il n'y avait personne qui prenait la parole en gros pour les défendre et pour expliquer clairement les choses. L'orchestration médiatique claire, évidente qu'il y avait autour d'eux. Et donc j'avais fait un audio, voilà, je connaissais pas encore Internet, etc. Enfin, voilà, le paysage du net, la toile, je connaissais pas, mais autour de moi, dans le terrain, j'entendais que des injures venant surtout de la part de musulmans, en disant que c'était des barbares, etc., etc. Donc, voilà, je m'étais documenté, je connaissais le mouvement des frères talibans, de ces étudiants en sciences islamiques bien avant, et puis je me suis encore plus documenté, et puis après voilà, enfin, et puis après j'avais fait un audio à l'époque, l'orchestration autour des talibans, l'orchestration médiatique. Ensuite j'en ai fait quelques-uns, mais en tout peut-être c'était, j'ai fait peut-être un audio peut-être chaque 6 mois, enfin c'était quelque chose de spontané, voilà, parce que à la base ce sont les savants qui doivent parler, les prédicateurs aussi. Les étudiants en sciences islamiques, moi qui suis autodidacte, bon, j'ai fait quelques études dans le fiqh, etc., dans le passé, avec quelques professeurs, mais je vais dire, la plupart du temps, je suis autodidacte. Mais moi qui suis autodidacte, à la base, je ne dois pas parler et mettre mon avis sur ces choses-là. Mais quand on voyait que personne, dans le paysage francophone, je dis bien dans le paysage francophone, parce que les chouyours, mashallah, dont Hamoud Qureshi Uhaybi et d'autres, en ont parlé pour les défendre. Mais le problème, c'est, dans le paysage francophone, personne. Et quand certains parlaient, c'était pour les dénigrer, hein? C'était seulement pour les dénigrer, etc. Enfin bref, donc j'ai fait cet audio-là, d'autres, l'islam et démocratie en 21 points, etc. Mais sinon, voilà, je suis pas le genre de mec qui me dit, voilà, je vais faire des audios tout le temps. Non, depuis, je pense, 2004 jusque maintenant, en tout, j'en ai fait peut-être 10, pas plus, dont certains, je reviens dessus, mais le problème, c'est comme, voilà, j'avais des comptes qui ont sauté, qui sautent à gauche à droite. Certains frères ont repris quelques-uns de mes audios à gauche à droite, ça a un peu tourné. Mais sinon, la plupart du temps, tous les comptes que j'ai eus, que ce soit sur Dailymotion, YouTube, où j'ai posté cela, ont été sautés. Donc celui-là, je sais pas, apparemment, il reste depuis quelques mois, donc, alhamdoulilah. Voilà. Et aussi, il y avait enfin, certains audios dans lesquels j'étais un peu plus vif. Voilà, c'est la jeunesse. Je dis pas que je suis vieux. Là, je suis pas arrivé à mes 30 ans, mais voilà, j'étais un peu plus vif, comme l'Islam bling bling. Ben voilà, pour rebondir, pour revenir au vif, parce que voilà, il y a quand même une similarité avec le titre de cet audio-là. J'avais attaqué un peu les prédicateurs qui ne parlaient que de mariage. Mais bon, je me suis un peu rétracté par rapport à cet audio-là, parce que par après, j'ai rencontré ces prédicateurs-là, etc. Ils m'ont un peu expliqué les coulisses, etc. Et en fait, l'offre et la demande. Et en même temps, moi, je pars du principe, comme dans l'audio que j'ai fait, qui est sur ce compte-là, qui s'intitule Jusqu'à quand les clashs entre prédicateurs du même dogme, quelque part, que chaque frère reste à sa place dans le sens où quelqu'un qui est doué pour parler de mariage, qui parle de mariage, quelqu'un qui est doué pour parler de politique, qui parle de politique, quelqu'un qui est doué pour parler de biographie, d'histoire, de civilisation, qu'il en parle, de jurisprudence, etc. Voilà, les savants sont là, les prédicateurs sont là, mais quelque part, Allah dans le Coran, il nous dit que c'est un livre pour les gens doués d'intelligence, c'est-à-dire qu'il ne faut pas suivre comme un mouton. Tu ne vas pas appeler un savant chaque minute pour lui demander si le vin il est haram ou non. Tu ne vas pas appeler un savant chaque minute pour essayer de comprendre un peu la sociologie politique qui t'entoure, hein, parce que tu vis. Les savants, certains savants qu'on appelle qui sont en Jordanie, qui sont en Arabie Saoudite, au Soudan ou autre, pour certains au Maghreb et ainsi de suite, ils sont pas. Ils peuvent te donner des fatwas dans le sens théorique, hein, des fatwas dans le sens théorique, ils peuvent t'expliquer les choses de façon théorique, planifiée, mais en même temps, pour décortiquer tout ça, etc., ils n'ont pas l'œil pour essayer de te donner ce que. En gros, Rouaq joue beaucoup. Voilà, en gros, voilà, ce qu'il y a autour de toi. Donc, il peut te donner, si tu veux. Si vous voulez un soubassement théorique, en fonction de ce soubassement théorique, toi, à petite échelle, tu essaies de l'appliquer, bien sûr, en t'auto-refusant de rentrer dans telle direction, en permettant de rentrer dans telle direction, en fonction bien sûr de ton climat politique, de ton climat social, dans ton climat sociologique, etc. Enfin, soit. Voilà, en gros, c'était ça. Donc j'avais déjà parlé de sujets mais un peu plus virulents et je m'attaquais qu'à une seule frange de ce que j'appelais l'islam bling bling. Bling bling, c'était les prédicateurs qui parlaient que de mariage. Mais sur cet audio-là, je me suis rétracté, je ne sais plus s'il est encore sur le net. De toute façon, c'est mon compte. Voilà, ce compte-là, El Solitaire, c'est mon compte à moi, c'est moi qui le gère, enfin, du moins pour l'instant, s'il ne me le saute pas. Donc les autres, je me suis rétracté dessus. Il y a un autre compte, voilà, il y a quelques frères qui prennent quelques-uns de mes anciens audios, Islam Démocratie en 21 points, Ashura, je me rappelle, sincèrement, je me rappelle même plus. Mais voilà, en gros, je fais des audios plus de façon spontanée. Parce que quand je vois, si vous voulez, je vois qu'il y a un vide. On parle pas d'un certain sujet, il faut le combler. Et si vous voulez, moi je suis juste un rapporteur. Je suis un rapporteur. Par exemple, j'avais fait un audio qui s'appelle Si tu te moques de l'islam, attention, car tu pourras refaire ta shahada. Quand j'ai fait cet audio-là, je suis reparti dans le tafsir, j'ai lu les écrits des mufassirin par rapport à Sourate At-Tawbah, le verset qui parle de la moquerie, etc. Le tafsir d'Ibn Abbas, d'Ibn Kathir, de Sa'idi, des écrits de Hamoud Qureshi Wahibi, de Cheikh Nasser Al-Thad, etc., etc. Enfin bref, j'ai essayé de mettre ça en avant, je suis juste un rapporteur. Et aussi, vite fait, en préambule, dans la préambule, ça m'intéresse pas, en gros, cette vague de buzz, de se faire connaître, etc. Si je voudrais vraiment un buzz, entre guillemets, je me filmerais. Voilà, je me filmerais, mais ne me filme pas. Voilà, je pense pas que ma voix, enfin, en fonction de ma voix, les gens vont savoir qui je suis en général, à part mon entourage proche. Donc, excusez-moi du terme, je m'en fous royalement de tout ce qui est, enfin, buzz, etc., de se montrer, de se mettre en avant. Je le cherche pas. C'est quelque chose que je ne cherche pas, et Allah est témoin que c'est quelque chose que je ne cherche pas, et qu'Allah me maudit si je mens. Comme ça, les choses sont claires. Je m'en fous royalement. Et si j'aurais voulu être connu, etc., en me servant de l'islam, ça aurait déjà été fait. Sincèrement, je vous le dis clairement, ça aurait déjà été fait. Il y a eu des offres, des propositions de plusieurs frères, avec des projets, etc., par rapport aux vidéos, conférences avec plusieurs frères, l'un après l'autre, pour parler de sujets qui relatent un peu la politique, Al-Waqih et compagnie. J'ai refusé, etc., parce que c'est pas mon truc. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Et voilà, je dis ce que j'ai à dire. Pourquoi? Parce que Allah, l'exalté soit-il, hein, Yom Al-Qiyamah, le jour dernier, demandera à ses serviteurs. Pourquoi tu savais telle chose et tu ne l'as pas transmis? Donc voilà, il y a plusieurs frères, alhamdoulillah, qui m'ont envoyé des mails en disant tes audios depuis quelques années, j'ai appris certains trucs par rapport à Tawhid al-Hakimiyya, etc., par rapport à Al-Waqid al-Islam, les interdictions de l'islam, on nous a jamais parlé de ça, par rapport à d'autres sujets, etc., où j'ai été seulement le rapporteur. Voilà. Donc moi c'est tout ce qui m'intéresse, le reste je m'en fiche. Enfin soit, pour revenir maintenant au vif du vif du vif. L'islam bling bling, l'islam Harry Poppins. En fait le truc c'est quoi? C'est que sincèrement, des fois je me demande, et Allah il est témoin, je me demande qu'est-ce que je fais ici? Sincèrement, ou bien soit c'est moi qui ai un problème, si vous voulez, soit c'est moi qui souffre de cette maladie qui s'appelle la déréalisation, hein, soit je pense pas avoir de problème, mais enfin. Pas tout le monde, je veux pas accuser tout le monde, mais on vit dans une atmosphère, dans un climat, le climat suivant, à savoir que on a l'impression que l'islam, de notre temps. Là, de toute façon, je parle que du paysage bruxellois, un peu français, hein, mais voilà, je peux pas naviguer dans d'autres contrées. On parle de l'endroit dans lequel on vit, dans l'endroit dans lequel on observe les choses, hein. Y a un climat dans lequel on prend l'islam, donc ou bien des causes qui sont en relation avec l'islam, mais on a vraiment l'impression d'être chez Chantal Goya, hein, ou bien Club Dorothée. On a l'impression qu'il y a Bernard Minet qui est devant nous en Khamis, et il y a les Claudettes de Claude François en train de nous taper une chorégraphie. Sincèrement, il y a plusieurs sujets, enfin, il y a plusieurs cas. On va prendre le cas de la Palestine, par exemple. Malheureusement, la Palestine est innocente de cela, hein. Il y a beaucoup de gens qui se servent de la Palestine juste pour leurs intérêts. Après, on va me dire, tu juges, non, quelque part, comme nous l'a appris le deuxième calife de l'islam, Omar ibn Khattab, qu'Allah l'agrée, quelque part, tu constates les actes. Le cœur, c'est entre eux et Allah. Tu constates, tu vois, quelque part, voilà. D'ailleurs, voilà, j'avais fait un audio qui s'appelle Réponse au fameux, t'as pas le droit de juger. Je sais plus où il est, il doit tourner. Enfin, je pense qu'il tourne un peu sur YouTube, enfin, dans d'autres comptes de frères. Voilà, Réponse au fameux, t'as pas le droit de juger. Enfin, soit. Non, c'est un constat. Par exemple, le cas de la Palestine. T'as des gens qui, voilà, qui, par exemple, qui organisent des concerts où tu vois la mixité, tu vois des filles qui dansent avec d'autres types et ils sont là, et on se prend la main et on chante en chœur, Viva Palestine, oh baby. Quelque part, j'ai envie de dire, arrêtez vos conneries. Non, mais sincèrement, hein? Voyez Palestine, mais qu'est-ce que le Palestinien il en a à cirer que tu fasses un petit concert là, après tu vois, après vous allez me dire ouais mais il récolte des fonds etc. Mais comment tu veux que la racine y a, vous savez il y a un proverbe berbère qui dit que si la racine déjà à la base elle est saturée, tu vois, ben l'arbre il pousse de travers. Quelque part la racine c'est quoi? T'es convaincu que c'est une cause islamique? Si ta racine à la base elle est haram, d'accord, la racine. Ton attention, elle peut être belle. Tu peux avoir les plus belles intentions du monde. Elles peuvent dépasser les plus grands monts, les plus grandes montagnes, les plus grandes montagnes. Ça sert strictement à rien. Hein? Le cas des Khawarij, une des premières sectes de l'islam, est un bon exemple. Ils avaient une très bonne intention. Et bien, l'Abbès, quand il est parti débattre avec des milliers de ces gens-là, il a dit que j'ai vu des actes d'adoration tellement, ils appliquaient tellement d'adoration que je n'ai pas vu ça chez les gens de mon clan. Hein? Chez ceux qui suivaient Ali Mohammed Taleb. Et donc, ces gens-là, ces Khawarij, ils appliquaient même des actes surérogatoires jusqu'à être fatigués. Pourtant, ils étaient dans le faux. Et pourtant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a déclarés comme étant les chiens de l'enfer. Hein? Dans le Sahih Muslim, tome 1. Donc, le truc, c'est quoi? C'est que, pour avoir une bonne intention, mais si la racine, elle est boiteuse, la racine, elle craint, elle est saturée, qu'est-ce qui peut en découler? Vous voyez, donc il y a les concerts, il y a les je te tiens la main, tu me tiens la main, puis mashallah, ma soeur, on va faire du vélo pour la Palestine, on va faire du skateboard, on va fumer du shit pour la Palestine. Mais c'est quoi ces conneries? Non, mais subhanallah, sincèrement, c'est quoi ces conneries? C'est quoi cet islam dénué de. Je dis pas qu'il faut être sérieux, que voilà, qu'il faut tout le temps. Non, bien sûr, le prophète sallam aimait rire, il y avait des moments de loisir, etc. Mais ça, c'est. Si vous voulez. Il savait faire la part des choses, hein? Là maintenant, c'est au nom de l'islam qu'on met du haram. Ce que je veux dire par là, c'est que quand c'est l'islam, ça doit être sérieux, dans le sens où le travail doit être sérieux, les choses doivent être sérieuses, sans tacler le fait de sourire, de rigoler, etc., d'avoir des bons moments, mais tout ça, si vous voulez, avec une étiquette, avec un soubassement, avec une base, hein? Une base licite. Et si maintenant les gens veulent faire des conneries entre eux, de la mixité, tiens ma soeur, on se prend en photo, donne-moi un bisou, vive la Palestine derrière, avec Bernard Minet qui nous fait une chorégraphie, et toutes ces conneries, eh bien à ce moment-là, faut pas le faire au nom de l'islam. C'est ça que les gens doivent comprendre. Et bien certains rappeurs, t'as certains rappeurs qui se donnent à fond, Palestine, mon amour, je t'aime, tu me manques. Le mec, il a rien lu sur la Palestine. Il sait pas c'est quoi, qui ça, où, comment, la Palestine, c'est une marque de biscuits. Le mec, il sait rien, il sait très bien que ça fait vendre, c'est tout. Il s'en fout royalement. Hein, ils s'en foutent réellement, tout comme ils s'en foutraient, je sais pas moi, du mort péruvien en 1958 au Texas. Le mec, ils s'en foutent un peu, tu vois. Ils s'en foutent. Voilà. Je dis pas, c'est pas qu'ils sont sondés les cœurs, c'est un constat. La plupart, ils sont là, ils te lâchent Palestine au bon moment. C'est du marketing, c'est du business. C'est un islam bling bling. Voyez? Et Mary Poppins dans le délire mixité, et on danse ensemble, et tu prends ta guitare, il y a l'émotion, et on pleure. Subhanallah, mais des fois je me dis si Omar ibn Khattab il sera en vie, ça sera quoi le projet à ce moment-là? Mais sincèrement, la racine, certains n'ont pas de tawhid. T'as certains sahab pro-Palestine, et attention, je dis encore, la Palestine est innocente de ces gens-là, mais t'as encore des gens sahab Palestine qui sont là, qui te disent des fois des paroles de kofre. Des paroles de kofre, claires. Hein. Al-Nawaqid al-Islam, c'est zéro chez eux, ils savent pas c'est quoi. Vraiment des paroles de mécréance. Tu vois? T'as des mecs qui prient même pas, qui s'en foutent. Et après tu dis, écoute, moi je fais des trucs pour la Palestine. Subhanallah, faut arrêter le connerie. Et en plus, et voilà, et puis après, tu as l'univers des anachides en ce moment, parce qu'à la base, l'anachide, c'est quoi? C'est que c'était des chants, c'était des poèmes que chantaient sur les Sahaba quand ils allaient en guerre, donc sur le chemin dans lequel ils allaient en guerre, ou bien durant, si vous voulez, le travail collectif. Il y a aussi de bons poèmes de Ibn al-Qayyim, etc., qui ont été repris un peu sous la forme, hein, sous le format anachidaire, si je peux dire ça comme ça, et qui sont bien. Mais en ce moment, il y a une industrie de l'anachide. Quelque part, tu dis, ça va trop loin. Tu as l'impression que c'est une copie, c'est un format du mouvement de la culture hip-hop. Voilà. Et tu vois, c'est, je sais pas, c'est complètement efféminé. Voyez, il y a une féminisation du nachide qui, jadis, c'était quelque chose quand même de glorieux. Vous voyez, à l'époque où le fer frappait le fer, quoi. Et là, maintenant, c'est devenu une entreprise. Hein? C'est devenu. Sincèrement, c'est vraiment n'importe quoi. Zaoujati, le mec, t'as l'impression qu'il est chez Titanic avec une grosse BM derrière. Et puis il y a le côté, voilà, le concert, et on va aller voir comme si c'était Rock Voisine, voilà. J'ai pas envie de citer de nom, hein, vous le connaissez, ce genre d'anachidman là. Vous le connaissez, mais je veux dire, c'est quoi cet univers? Ah, et puis les concerts, et puis après on va voir Rock Voisine, voilà. Seul sur le sable, les yeux dans l'eau, ben, version islamique en fait. C'est exactement ça. Et puis t'as toutes les hijabiettes roses bonbons qui sont là, machallah! Tu vois, faut arrêter ces conneries. Et les mecs autour, et puis après t'as les numéros qui tournent. Hein? Ben, certaines personnes qui sont là, et qui enfin, je veux dire, subhanallah, je sais pas, j'ai l'impression, sincèrement, j'ai l'impression de vivre. Je dis pas que l'islam est dur, quoique, si on prend un peu Frédéric Nietzsche, il disait quand même l'islam est une religion de virilité. Parce que c'était à l'époque un contexte où les adeptes du christianisme étaient vraiment en plein. Voilà, en pleine période dandiste, on va dire. Hein? Et le truc, c'est quoi? C'est que, bon, voilà, quand on voit un peu, si vous voulez, faut un peu me comprendre, enfin, me comprendre, moi, on s'en fout de me comprendre, mais faut un peu comprendre les frères et les savants qui dénoncent un peu ce phénomène, cette mode. C'est que quand on lit la sirah du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand on lit la biographie des sahabas, des tabi'in qui sont venus par après, quand on lit la biographie des savants, etc., je veux dire. On va me dire, ouais, c'était une autre époque, oui, mais ils avaient aussi, si vous voulez, ces moments. Enfin, à leur époque, il existait des moments entre guillemets, de légèreté. Mais ça ne donnait pas à ça au nom de l'islam. Ah, parce que dans chaque époque, dans chaque civilisation, dans chaque temps, il y avait ce qu'on appelait le noyau de légèreté. Chacun avait son noyau de légèreté. Là, maintenant, le noyau de légèreté, c'est devenu les concerts, les trucs bizarres. À l'époque, il y avait, voilà, il y avait les rassemblements autour de poésie. Et puis, pour certains, malheureusement, il y avait du vin qui coulait à flot dans certaines contrées, et ils faisaient ça dans le privé, bien sûr, en cachette, etc. Donc, certains pouvaient s'adonner à ça, mais ils ne le faisaient pas. Voilà. Les moments de loisirs illicites, on va dire. Mais là, maintenant, on prend des choses qui sont illicites pour les rendre licites, sous prétexte qu'on a une bonne intention, sous prétexte que c'est pour une noble cause. Vous voyez? Et donc, c'est un islam, vous voyez, c'est. Ou bien l'islam des chroniques, l'islam des mashallah, je veux mon halal. Voilà, par exemple, cette expression, je veux mon halal. Mais ça va pas ou quoi? C'est quoi cette expression de boutonneux fan de skateboard? Je veux dire, quelque part, c'est je veux mon halal. Faut arrêter. Non, mais je veux dire, non, sincèrement, je veux dire, quand c'est l'islam, moi, je dis pas que je suis parfait, mais je dissocie les choses. Quand c'est l'islam, voilà, c'est sérieux, c'est un travail. Faut essayer, Inch'Allah, avec l'aide d'Allah, de faire un travail propre. Dans le sens, faut pas mélanger les choses, quoi. Hein? Vous voyez? Les lions d'un côté, et les hyènes, et les chats, d'un autre. Je veux dire, voilà. Et quand. Malheureusement, c'est des trucs qui rentrent dans le haram parce qu'on fait tous des péchés, comme l'a dit le professeur Salam. Tous les enfants d'Adam font des péchés, les meilleurs sont ceux qui se repentent. Mais je veux dire, à partir de ce moment-là, t'arrêtes, t'arrives à te donner des frontières. L'islam, c'est ça. Donc, je vais pas commencer à mélanger du haram, mélanger du monde, etc., sous prétexte qu'il y a une noble cause. Dans certains groupes, assos et compagnie, c'est vraiment devenu n'importe quoi. Mais vraiment n'importe quoi, subhanallah. N'importe quoi. Ou bien certains qui s'habillent, tu vois, ils te mettent la sourtraille. T'as l'impression que t'as devant toi le roi d'Arabie Saoudite. Et si vous voulez, il prime tout sur le vestimentaire, sur le paraître, hein? Il prime tout sur ça. Alors que pour les gens qui connaissent un peu qui connaissent un peu l'Arabie Saoudite et sa population, la mentalité qu'il y a là-bas, les gens qui s'habillent comme ça, donc avec le grand sotra et compagnie, ils vont en Arabie Saoudite, on va se foutre d'eux. Vous voyez? Parce que ça, c'est quelque chose qui est donné aux hommes d'affaires en général. Ça n'a rien à voir avec le titre de chouyour, de cheikh. Donc, il y en a beaucoup qui priment tout sur le vestimentaire, etc. Tout, vous voyez, tout sur la superficialité. Hein? Alors que le contenu, il est seulement théorique. Ah là, il rentre pas dans la décortication, c'est pas méticuleux, ça prend pas en considération tous les facteurs importants, tous les moindres recoins de la maison, du sujet dans lequel ils vont, dans lequel ils s'abordent. Et c'est là, et c'est compressé comme ça, au bout d'une bulle superficielle, comme ça, à base de vestimentaire, comme ça, hein. Et ça part de sujets totalement, des fois périphériques. Mais attention, je dis pas qu'il faut parler que de choses importantes ou un peu délicates, mais je veux dire, certains sujets sont périphériques quelque part. Tu vois, donne pas 2, 3 heures sur je sais pas, sur des problèmes ou je sais pas, mon vernis, il s'est cassé, il est parti en Éthiopie. Enfin, j'en sais rien, ton vernis, voilà, tu le retires et tu pries quelque part. Voilà, dans les hadiths et passe à autre chose. Éduque. Malik Ben Abi disait qu'il y a la chose et l'idée. Il faut faire en sorte que les musulmans foncent vers l'idée. Ça sert à rien de faire le moonwalk qui est aller vers la chose. Faut arrêter d'être des choséistes. Vous voyez? Et donc, certains, ils sont là dans ce côté vestimentaire et compagnie. Donc, c'est un islam superficiel. Hein? On va au Jumu'ah comme si on allait pointer notre carte de chômage quelque part. On y va juste pour y aller. Puis après, on retourne dans notre maison à crédit. Puis on s'en fiche. Et puis après, on est là. Puis on met du Cheb Hasni, le couscous. Et puis c'est le mariage. Et puis viens réciter un peu de Coran. Attends, stop. Hop, je remets play. Bobby Brown. Hop, pause. Maintenant, recite un peu de Coran. Ma soeur, mashallah, mon halal, mon halal. Faut arrêter. Subhanallah, faut arrêter. Si, l'islam, c'est à côté. Tes conneries, c'est de l'autre côté. C'est loin. Tu le vois plus. T'es où? T'as disparu. Tu vois, c'est très loin. Voilà. Ça, c'est un audio que j'ai fait de façon spontanée parce que, voilà, j'en avais parlé. J'en avais parlé. J'avais parlé de ça il y a quelques temps. Mais je veux dire, voilà. Donc, comme maintenant, c'est mon compte. Enfin, je le tiens pour l'instant. Donc, je préfère, voilà, refaire un là maintenant. Parce que l'autre, il abordait plus le sujet des prédicateurs qui parlaient de mariage. Même si je suis revenu dessus parce que j'étais un peu trop virulent. Mais ce que je veux dire par là, c'est que quelque part, faut arrêter. Va arrêter cet islam, Mary Poppins, cet islam, ma soeur, mon frère, on fait du skateboard, rose bonbon, hop, pop in the night. Je veux dire, c'est n'importe quoi. Tu vois, puis on pose en photo, hi, on se donne rendez-vous au restaurant, les frères, les soeurs, on se donne des bisous, hi, faut arrêter. Tu vois, arrête. Tu vois, même si certains vont dire, oui, mais Harry, sur la mixité, tu vois, faut bien relire. Il y a certains savants qui ont dit que c'était permis, à condition qu'il y a certaines conditions, à condition qu'il y a certaines conditions, hein, vous avez un fou là, à force de parler de ce sujet. Mais je veux dire, voilà. Ils savaient dissocier, tu vois, le Hajj, etc. Ou bien, quand il y avait certaines conférences à l'époque, quand tu vois un peu, quand il y avait Ibn Hazm en Andalous qui faisait certains de ses discours, il y avait les femmes étaient bien séparées par rapport aux hommes, sans être, elles étaient là, mais il y avait une éthique qui était respectée et qui était respectable. Là maintenant, c'est du n'importe quoi. Viens à côté de moi, tu t'assis sur ma cuisse, on prend une photo, derrière la photo de la Palestine, viens, on fait ci, ma soeur, mon frère, viens, on va manger un barbecue et puis on va faire du breakdance pour la Palestine. Je vais prendre une fusée et je vais aller à la Lune pour la Palestine. Je vais acheter, je sais pas moi, un snooki. Je sais pas c'est quoi un snooki, je sais pas, un chien, et puis je vais mettre sur ma tête pour la Palestine. Faut arrêter. Sincèrement, voilà. Non, mais franchement, c'est, voilà, c'est vraiment. Ma modeste personne, c'est une nasiha pour les personnes. Si vous voulez, je provoque la réflexion, je la provoque. Voilà. J'ai l'air un peu provocateur dans ma façon de parler, mais c'est pour vraiment pour réveiller les gens. C'est n'importe quoi. Revenons à la source, au Coran, à la Sunna, au tafsir, à l'exégèse, aux explications contextuelles et généraux des hadiths. Lisez les biographies des prophètes et leur, si vous voulez, leurs actions. Dans l'ordre de la permission, dans l'ordre de l'auto-interdiction, en fonction de telle situation. Vous voyez? C'est ça que j'essaie de faire comprendre. C'est un islam totalement, je sais pas, superficiel comme ça. Les chanteurs et les bals et les si et les ça, faut arrêter. Wallah. Sincèrement. Wallahi. Par Allah, par l'exalté, par celui qui tient nos âmes et qui va nous ressusciter le jour dernier. Wallah, il faut arrêter. Et tout ce marketing, ce business, etc. Autour des anachites, autour de certaines causes de l'islam. Faut arrêter. Wallah, il faut arrêter. Les preuves, elles sont là. Tout est clair. Je dis pas que je suis parfait. Personne le dit. Personne le dit. Ça sert même pas de le rajouter, de le détailler, de le préciser. Tout le monde le sait. Mais il faut dissocier les choses. Quand c'est l'islam, c'est l'islam. Quand c'est nos conneries, hachakoum, ce sont nos conneries. Voilà. Enfin bref. Salam.